C'est vrai. C'est vrai, je me souviens, mais comment ajouter une importance déterminante à toute cette succession de voilà, voilà, voilà. Oui, langage sibyllin, je vous l'accorde, mais ça aurait dû vous donner à réfléchir, car je ne suis pas l'homme de ce genre de phrases qui reste en l'air. Oh, écoutez, Joseph, vous êtes pas sérieux, là. Mais je ne pouvais pas faire mieux en l'occurrence, et tous mes soupçons étaient contenus dans ces voilà. Oh, écoutez, il m'aurait fallu une balance de postier ou de pharmacien pour mesurer et peser toute l'importance de cette phrase. Il y a au moins l'honnêteté de le reconnaître. Oui, sans doute. Mais il fallait, mon bon Sinclair, une oreille peut-être plus affûtée que la vôtre. John. Enfin, heureusement, tout est terminé. Oh, pour vous peut-être, mais pas pour moi. Je vais profiter de cet omnibus qui nous ramène vers Paris pour vous tirer tous les vers du nez. Ah, j'ai horreur de cette expression. Oh, j'ai horreur. Ben enfin, si vous me laissez allumer ma pipe tranquillement, nous ferons ensemble mon article pour l'Époque. Très bien. Eh ben, j'irai même jusqu'à fournir du feu. Voilà, voilà, voilà. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 24e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rull, Maître Henri Robert, Pierre Olivier, le président Recoux, Claude Pieplu, l'avocat général, Jean Brassat, le greffier, Bernard Musson, et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierre. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 1er septembre 1983. Après le mystère de la chambre jaune, allait paraître le parfum de la dame en noir, puis Rouletabille chez le tsar, le château noir, les étranges noces de Rouletabille, Rouletabille chez Krupp, le crime de Rouletabille, Rouletabille chez les bohémiens. L'écrivain José Cabanis revenait en 1993 sur les avatars de Joseph Rouletabille. Il y a un élément qui intervient au moment du château noir, qui fait que le personnage change. C'est comme si Tintin... Marqué, je n'ai pas lu tous les Tintins, ben j'en ai lu beaucoup, mais enfin, je ne me rappelle pas que Tintin fut amoureux, n'est-ce pas ? Alors, Rouletabille, le château noir, il est amoureux à ce moment-là. Alors, son intelligence, évidemment, diminue, c'est plus pareil, n'est-ce pas ? Oui, là, il se trouve, pour la première fois, écrit Gaston Leroux, devant le mystère du cœur féminin, auquel il ne comprenait rien du tout. Voilà, le mystère du cœur féminin. Alors, aussitôt, il y a des mots qui me viennent à la bouche et que je ne dirai pas, mais il devient un peu sot, n'est-ce pas ? Parce qu'il est en admiration devant une poupée, on ne sait pas pourquoi. Ça change tout à fait l'intérêt de la chose, le cœur du sujet n'est plus la même chose. Et dans le livre suivant, il y a Rouletabille chez Krupp. Alors dans Rouletabille chez Krupp, ça se passe pendant la guerre de 14, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il va chercher dans la Ruhr, et il cherche à identifier, repérer et puis annuler une énorme torpille géante qui doit anéantir Paris. Et là, évidemment, il a la quarantaine bien sonnée. Ce n'est plus du tout le jeune reporter amusant, drôle, prime sautier, inattendu, imprévisible, qu'il était dans ses débuts. Il a vieilli, et à mon avis, c'est dommage pour lui qu'il ait vieilli. J'aurais aimé, moi, qu'il disparaisse, qu'il meure à 21 ans, ça me suffit. La suite ne m'intéresse pas. José Cabanis, le 23 août 1993, sur France Culture. À réécouter et à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Et demain, bien sûr, à la même heure, vous ne manquerez pas le dernier épisode du mystère de la chambre jaune.